ski alpin. Ski alpin, sco alber. Et qui c'est qui fait la tartine? Ski alpin, sco alber. Et la télé fait la tartine.